Donc, groupe thérapie. Bonjour, je m'appelle Patrick, c'est pas vrai, mais je suis alcoolique pour noyer mon désespoir. Je retrouve tous les soirs mon groupe de thérapie. J'y ai tous mes amis. Ma vie est une merveille, vu qu'on est tous pareils. Mon groupe de thérapie. J'y ai tous mes amis, ma vie est une merveille, vu qu'on est tous pareils. J'ai résisté, j'ai tenu 2 mois que j'ai pas bu. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est de réussir ma mise en bière. Mon groupe de thérapie, j'y vais tous les lundis. Ma vie est une merveille, vu qu'on est tous pareils. Mon groupe de thérapie, j'y vais tous les lundis. Ma vie est une merveille, vu qu'on est tous pareils. Allez, je vous l'avoue, hier soir j'ai bu un coup. C'est vrai, j'ai paniqué, mais faut dire que vous me manquez. Mon groupe de thérapie, je le sèche quand je suis cuit. Ma vie est une merveille à une terrasse au soleil. Mon groupe de thérapie, je le sèche quand je suis cuit. Ma vie est une merveille à une terrasse au soleil. Au soleil. Merci. Et que cette chanson ne vous empêche pas de consommer au bar. Max et toute son équipe vous y attendent. Alors, ensuite, une petite chanson de circonstance. Il fait chaud, il fait beau, ce qui est une contrepétrie en soi. Belge en plus, oui, on n'est pas loin, c'est vrai, il revendique. Donc on a fait une... Et non ! Il s'est trompé dans l'ordre des chansons. Oh là là là là, le boulet ! Oh le boulet ! Excusez-moi les amis, je suis vraiment désolé. Je te fais un bisou pour la peine. Et après ça, on dit qu'il y a des homos dans le milieu du spectacle, bravo quoi. T'en fais pas, va hein.